بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونجا الله en cette nuit du 30 Ramadan de l'an 1441 de l'Hégire, on se retrouve sur les ondes de Radio Imam, Imam Malik, du site Imam Dar al-Hijra, que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde ceux qui sont derrière ce moyen de communication. Nous nous retrouvons avec un rappel intitulé « Que doit-on faire après le Ramadan ?» Frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, nous venons de passer, en cette période particulière de la pandémie de Corona, une noble saison d'adoration et de grands jours d'adoration. Ce noble mois de Ramadan, plein de bénédictions et de biens. Durant ce mois de Ramadan, les croyants entreprennent les différents actes d'adoration et retroussent leurs manches et doublent d'efforts dans les bonnes œuvres et rivalisent dans les différentes voies du bien. Le croyant est au comble de la joie quand il voit et quand il entend comment les croyants rivalisent dans le bien et comment l'obéissance et l'adoration augmentent chez les gens durant ce noble mois de Ramadan. Mais le musulman doit faire très attention et avoir présent à l'esprit que la rivalité dans le bien et dans l'obéissance et dans les domaines qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée ne doit pas se limiter à un mois parmi les mois de l'année ou à certains jours parmi les jours du mois. Si le mois de Ramadan est terminé, l'adoration d'Allah azza wa jalla n'est pas terminée. Et si les jours et les nuits de Ramadan sont terminés, les bonnes œuvres ne se terminent pas. Il est dit dans le verset وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. La traduction approximative du sens du verset nous dit « Et adore ton Seigneur jusqu'à la mort ». Donc il est demandé aux musulmans d'adorer Allah et d'être constamment dans l'obéissance à Allah jusqu'à sa mort. Et il est dit dans le verset « Ya ayyuha alladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ». La traduction approximative du sens du verset cité ici, ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission à Allah. Il nous est demandé, frères en Allah, Azza wa Jal, de faire des efforts dans l'adoration et de rivaliser dans l'accomplissement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée jusqu'à notre mort. Et personne parmi nous ne sait quand est-ce qu'il arrivera à sa fin. Donc nous devons constamment nous préparer pour la mort, et ceci par l'obéissance à Allah et par le fait de mettre en application ses ordres et selon nos capacités et par le fait de s'abstenir de ce qui nous a interdit subhanahu wa ta'ala. Nous devons être comme certains qu'Allah, nous ne devons pas être comme certains qu'Allah leur donne la clairvoyance et qu'il les guide, qui font beaucoup d'efforts durant le mois de Ramadan. Une fois Ramadan terminé, ils deviennent fainéants, ils deviennent négligents, ils négligent certaines bonnes œuvres et certaines adorations, comme cette adoration n'est demandée que durant le mois de Ramadan. Certains pieux prédécesseurs de Ridwanullah alayhim ont été interrogés sur ceux qui agissent ainsi, qui ne font des efforts que durant le mois de Ramadan. Et il a dit, rahimahullah, ce sont des misérables, ils ne connaissent Allah que durant Ramadan. Frères et sœurs en Allah, le Seigneur des mois est unique. C'est le Seigneur de Ramadan, c'est le Seigneur de Shawwal, c'est le Seigneur de Dhul Hijjah, c'est le Seigneur de Muharram et de Safar et de tous les mois. Et comme il est obligatoire aux musulmans de préserver l'adoration durant le mois de Ramadan et de faire des efforts dans l'obéissance à Allah, il en est de même pendant les différents mois de l'année et durant toute l'existence de l'individu. Il est dit dans le verset إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah et qui se tient dans la droiture, dans la religion, les anges descendent sur eux au moment de la mort. Pour les apaiser, ils leur disent « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, vous avez la bonne nouvelle, ah, vous avez le paradis qui vous a été promis. » Ils ont été constamment dans la droiture et dans l'obéissance à Allah. Ils ont œuvré et accompli toutes sortes de biens jusqu'à la fin de leur vie. Ceux-là, ce sont les gagnants, ce sont les gens qui ont le succès, qui ont le bonheur complet dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ceux-là ont eu le butin de ce bas monde et celui de l'au-delà. Frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, notre mois de Ramadan nous fait ses adieux pour cette année 1441. Sera comblé de bonheur et de joie dans les deux mondes, celui qui en a profité comme Allah aime et agrée. Et avec cette fin de ce noble mois de Ramadan, nous devons méditer encore une fois les versets concernant ce mois. Il y dit dans le verset « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative de celui-ci, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et comme preuve claire sur la bonne voie et comme discernement. Quiconque voit le croissant du Ramadan, qu'il le jeûne, quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous complétiez le mois et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. La vache numéro 185. Qu'on médite les bienfaits qui sont cités dans ce verset. Et d'abord, les bienfaits de ce mois qui est un mois méritoire. C'est le meilleur des mois de l'année. Et c'est le seul mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité avec son propre nom dans le Coran. Shahr Ramadan. Durant ce mois, l'un des grands bienfaits est cité dans le verset. Et ce grand bienfait, c'est la descente du noble Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui guide vers la meilleure des voies dans tous les domaines, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des comportements, au niveau des transactions, au niveau des rapports avec les autres et ainsi de suite. Et parmi les grands bienfaits cités dans ce verset, le bienfait d'être vivant durant ce mois, et de le jeûner, et d'y accomplir toutes sortes de biens, ceci est une grâce d'Allah, Azza wa Jal, est un grand bienfait pour la personne. Le fait d'avoir vécu ce mois en bonne santé, ayant la sécurité, en adorant Allah, il n'y a aucun doute que ceci est une grande grâce d'Allah. Combien de gens à travers le monde musulmans ont vécu le début du mois de Ramadan, mais ils ne sont pas arrivés à sa fin? Combien ont jeûné avec nous l'année dernière et cette année? Ils sont en face de leurs œuvres dans leur tombe. Le fait d'avoir vécu ce mois et d'y avoir accompli le bien, il n'y a aucun doute que ceci est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui doit être remerciée. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblés de cette grâce et de nous avoir donné la réussite et de nous avoir aidé à accomplir le bien durant ce mois. Et les bienfaits dans ce verset sont nombreux. Parmi ces bienfaits, le fait de l'avoir jeûné complètement. Et aussi, fait partie de ces bienfaits, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala légifère à la fin de ce mois, le fait de proclamer la grandeur d'Allah azza wa jal. وَلِتُكَبِّرُوا ala ma hadakum, pour que vous glorifiez Allah et pour que vous proclamiez plutôt la grandeur d'Allah parce qu'il vous a guidé. Les savants disent que ce takbir, le fait de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, commence du coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. C'est-à-dire il commence la nuit du premier jour de Shawwal, qui est, cette nuit-là, c'est la nuit où le soleil se couche durant la dernière nuit de Ramadan, qui est la nuit du Eid, la nuit du premier Shawwal. Et le Eid est un grand jour, plein de bénédictions, plein de biens. Ces bienfaits que j'ai cités, qu'il y a dans ce verset, que les hommes de science ont cités, et d'autres qui n'ont pas été cités, qui sont contenus dans ce verset, sont conclus par ce verset qui dit « وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » pour que vous soyez reconnaissants. Il est de notre devoir, frères Allah, et sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala, d'être reconnaissants et de nous rappeler les bienfaits d'Allah, car la reconnaissance fructifie les bienfaits, les augmente. Il est dit dans le verset, « La in shakartum la azidannakum » La traduction approximative du sens du verset, « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. » Et il est dit dans le verset, « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » La traduction approximative du sens du verset, « Afin que vous complétiez le nombre de jours, dire le mois, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah, et que vous soyez reconnaissants. » Reconnaissant à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Voyons ce que devons-nous faire en temps normal, le premier jour du mois de Shawwal qui est Eid al-Fitr. Il est recommandé de faire le lavage rituel, car le pieux prédécesseur d'Allah alayhi le faisait, et de se parfumer, et de mettre ses beaux vêtements. Et nous devons agir de la sorte dans notre confinement. Nous devons agir de la même façon pour notre confinement, pour montrer notre joie et pour proclamer la grandeur d'Allah. Et nous devons nous préparer pour cette célébration qui clôture le mois de Ramadan. Il est recommandé avant de prier la prière de Eid, de manger quelques dates. Surtout Eid al-Fitr, la célébration qui clôture le mois de Ramadan, il est obligé que nous mangions quelques dates avant de faire la prière d'Eid. Ceci est relaté dans le hadith chez l'imam Bukhari, rahimahullah. Anas a dit, « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yagdu yawm al-fitr hatta yakula tamarat. Wa qad tabata fi qawli Anas, annahu kana yakuluhunna witran. Wa hada khassun bil-Eid. » Anas radiallahu anhu arda rapporte que le messager d'Allah ne se rendait pas à la prière le jour de la rupture du jeûne avant d'avoir mangé quelques dattes. Et il est rapporté dans la parole de Anas radiallahu anhu arda qu'il mangeait des dattes en chiffre impair. Et ceci, comme il a dit Cheikh Al-Utaymin, est spécifique à Eid al-Fitr, de manger quelques dattes en chiffre impair. Il est spécifique, comme a dit Cheikh Al-Utaymin, pour Eid al-Fitr tout simplement. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. Et donc Abi Hurayra dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmad et par Tirmidhi, le hadith il est authentifié par Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Ibn Abi Buraydah a dit, nous rapportons de son père, le messager d'Allah ne sortait pour la prière de la célébration de la rupture du jeûne qu'après avoir mangé, et pour la célébration du sacrifice, il mangeait une fois qu'il terminait la prière. Et il est rapporté dans la sunna qu'il ne mangeait que de sa bête, alayhi salatu wassalam. Donc, dans la recommandation, le jour de la rupture du jeûne, il est recommandé le jour de la rupture du jeûne, c'est de manger avant la prière. Ibn Khudam al-Maqdisi, rahimahullah, a dit, nous ne connaissons aucune divergence sur cela. C'est-à-dire, il n'y a aucune divergence sur le fait de manger quelques dates, de manger quelque chose avant d'aller faire Salat l'Eid, surtout l'Eid qui clôture le mois de Ramadan. Et il est recommandé de manger des dates, et que ça soit en chiffre impair. Et si on n'a pas de date, on mange ce qu'il y a. Pour différencier le premier jour du Shawwal, qui est la célébration de la clôture du mois de Ramadan, le différencier de Ramadan et de la période du jeûne. Quant au jour du sacrifice, le messager alayhi salatu wassalam ne mangeait pas avant d'avoir mangé de son sacrifice, comme il est relaté dans la sunna. La prière en temps normal, frère en Allah, Azza wa Jal, s'accomplit dans le Musalla, dans des grands terrains vagues aux alentours des villes, sauf s'il y a la pluie ou autre empêchement. Dans ces cas-là, il s'accomplit dans les mosquées. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم أمام الناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, selon Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه وارضاه, le jour de la célébration de la rupture du jeûne et du sacrifice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait à la musalla. La première chose qu'il faisait était d'accomplir la prière. Ensuite, il se levait et faisait face aux gens alors qu'ils étaient toujours alignés en rang, et il les exhortait et leur faisait des injonctions. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Dans la prière des Eid, donc la prière des deux célébrations s'accomplit à la musalla, en dehors des habitations, sur un terrain vague, et ne s'accomplit à la mosquée que par nécessité, pluie ou autre. Et on débute cette célébration par la prière avant le serment. Et on ne prie pas dans le musalla avant la prière du Eid. Dans le musalla, le prophète arrivé, alayhi salatu wassalam, et commencer directement par la prière du Eid. Et après, l'imam qui dirige cette prière fera la khutba après la prière. Et il n'y a pas de adhan pour cette prière, comme il n'y a pas d'iqama, comme on n'a pas à faire une forme d'appel à cette prière. Comme certains disent, as-salah jami'a ou autre, tout ceci n'a pas lieu d'être parce que le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a pas accompli. Il n'a pas été rapporté dans la sunna. La prière du Eid s'accomplit de la façon suivante. An Amr ibn Shu'aib, an Abi, an Jaddi, radiyallahu anhu, qala Nabiyullah, at-takbiru fil fitr, sab'un fil ula, wa khamsun fil akhira, wal qira'atu ba'da kiltayhima, rawahu Abu Dawud, wa naqalahu at-Tirmidhi عن البخاري ونقل الترمذي عن البخاري صحيحه. Et donc Amr ibn Shu'aib rapporte de son père qui le rapporte de son grand-père, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour la prière de la célébration de la rupture du jeûne, on prononce 7 fois Allahu Akbar dans la première rak'at et 5 fois dans la deuxième rak'at, et on récite du Coran Par la suite, dans chacune des unités de la prière, le hadith est rapporté par Abu Daoud, par Tirmidhi, qui rapporte que Imam Bukhari, rahimahullah, l'a authentifié. Et le Bukhari a dit que c'est le seul hadith authentique à ce niveau-là. Donc il est recommandé de dire Allahu Akbar dans les prières des deux célébrations, conformément au verset qui dit « Walitukabbirullah ala ma hadakum » afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Donc dans la première rak'at, 7 takbirat. On commence par takbirat Ihram Allahu Akbar. Et on fait dua l'istiftah, le dua qu'on fait habituellement. Puis on fait 6 autres takbirat. 6 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et après, on cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du shaitan. Et on dit le basmala, et on lit le fatiha, et après on lit la surah qui se lit dans la sunna, pour la première rak'at. On s'incline, et on se relève de l'inclinaison, et on dit Allah Akbar pour aller à la prosternation. Et quand on termine les deux prosternations, on dit Allah Akbar pour revenir à la position debout. Et après, on dit Allah Akbar 5 fois, en dehors de la takbira, du déplacement, de la prosternation à la position debout. Ce qui fera 6. Donc, une pour se déplacer de la prosternation à la station debout, Allahu Akbar. Et après, on la suit de 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ces takbirs supplémentaires dont les deux célébrations sont recommandées et ne sont pas obligatoires. Si on les délaisse volontairement ou involontairement, la prière ne sera pas invalide. Ibn Qudama, rahimahullah, a dit « Je ne connais pas de divergence à ce sujet. » C'est-à-dire si on délaisse volontairement ou involontairement les takbirat, la prière ne sera pas invalide, il n'y a pas de divergence là-dessus. Que la prière sera valide, bien sûr. Mais il y a un manque, le manque de la sunna du prophète, alayhi salam. Mais il y a une divergence sur le fait de lever les mains à chaque takbirat. Lever les mains à chaque takbirat, là il y a une divergence chez les hommes de science. Ceux qui s'appuient sur un certain hadith, qui est authentifié par certains hommes de science, ils le font. Et celui qui ne lève pas la main, il n'y a pas de mal à cela non plus. Donc nous ne devons pas rentrer en litige avec quelqu'un qui ne lève pas les mains. Parce qu'il peut être, il peut, qu'il soit appuyé sur la parole de certains hommes de science. Dans ces cas-là, dans ce genre de divergence, notre opposition c'est quoi? C'est d'argumenter, de présenter nos arguments de la meilleure des façons et de ne pas vouloir faire incliner la personne à nos arguments, à ce qu'ils nous suivent, etc. Et à lui imposer notre avis. Abadan. On le convainc avec les arguments, on ne sait pas le convaincre, on ne rentre pas en litige. Et il est recommandé de réciter après Sourate al-Fatiha, Sourate Qaf, dans la première rak'at. Et dans la deuxième rak'at, Sourate al-Qamar. Comme il est rapporté dans la sunna que le message est récité, Sourate al-A'la et Sourate al-Ghashiya. En temps normal, frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, il est recommandé de se rendre à la prière du Eid à pied. An Ali radiyallahu anhu qal min as-sunnah an yakhruja ila al-Eid mashiyan rawahu at-Tirmidhi wa hassanah. Selon Ali radiyallahu anhu arda, il dit fait partie de la sunnah de se rendre à la prière du Eid à pied. Et Tirmidhi a dit que ce hadith il est bon, ce atar de Ali est bon. Il faut savoir quand le compagnon dit fait partie de la sunna, cela est attribué au prophète alayhi salam. Cela, le compagnon, il ne peut pas dire quelque chose de sa raison. Quand il dit fait partie de la sunna, cela veut dire que sa parole vient du prophète alayhi salam. Que c'est le prophète qui nous a orienté vers cette sunna. Donc on peut s'y rendre aussi avec sa monture ou sa voiture. Mais le mieux, c'est que ça soit à pied. Le messager d'Allah, pour aller à Al-Musalla, empruntait un chemin différent pour aller et pour revenir. Un Jabir, ibn Abdillah radiyallahu anhuma, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. رواه البخاري وابو داود وعن ابن عمر. Et Jabir ibn Abdillah, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, rapporte que le jour de l'Eid, le messager d'Allah empruntait un chemin différent. Empruntait un chemin différent pour se rendre à la prière et pour revenir un autre chemin. Donc pour se rendre, il prend un chemin. Et pour revenir, un autre chemin différent. Donc il est recommandé d'emprunter un chemin différent pour aller et revenir du Eid. C'est l'avis de la plupart des savants. Et cela concerne, bien sûr, l'imam, comme il concerne les fidèles. Il concerne tous les musulmans. Les savants ont divergé sur le but et la sagesse de cet acte. Voici certaines sagesses, et non pas toutes les sagesses, cités par certains hommes de science. Ils disent que, afin de saluer les gens sur les deux chemins, de rencontrer les gens qui habitent dans les différents chemins et de les saluer. Et ils disent aussi, afin d'exposer et de montrer les emblèmes de l'islam en tout lieu. Et ils disent aussi, parmi les buts et les sagesses, afin que les deux chemins témoignent en sa faveur. Et il y a d'autres sagesses et d'autres buts à cela. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Zad a dit, le plus authentique est que cela, et pour toutes ces raisons, et d'autres encore dont les actes du prophète ne sont pas dénués. Dire que tout, hein, que le plus authentique, et que cela est pour toutes ces raisons qui sont citées dans les livres des hommes de science qu'il a cité, rahimahullah, et d'autres encore, hein, qui existent dans les actes, dont les actes du prophète, alayhi salatu salam, ne sont pas dénués. Car dans ces actes, alayhi salatu salam, il y a beaucoup de sagesse, et ils sont faits pour du noble but, alayhi salatu salam. Et dans notre situation particulière, où les mosquées sont fermées, et la prière de l'Eid peut-être ne va pas s'accomplir à cause de cette pandémie, que devons-nous faire? Voici un rappel détaillé avec des preuves sur ce sujet de notre noble cheikh Abdallah al-Bukhari, hafidhahullah. À la question qui lui a été posée, comment s'accomplira Salat al-Eid dans les maisons? Est-ce qu'il se fera avec ou sans khutbah? Il a dit, hafidhahullah, concernant ce sujet, il y a divergence entre les savants. Certains disent que celui qui ne l'a pas prié avec l'imam, il n'a pas à la rattraper à la maison ou ailleurs. C'est la voie sur laquelle sont les Hanafiya, et c'est le choix de l'école Zahiriya, de Daoud Zahiri, et c'est aussi un avis de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, c'est l'avis du Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, et c'est l'avis aussi du Cheikh et de l'érudit, Cheikh l'Utaymiyyah rahmatullah alayh. Ils sont sur la vie que la personne, s'il la rate, il ne la rattrape pas. Ils argumentent, ils basent leur opinion sur le fait que rien n'a été rapporté du messager pour le rattrapage de cette prière et que c'est une prière qui a été légiférée pour s'accomplir en commun et d'une façon particulière. Donc on la rattrape pas quand on la rate comme la prière du Jumu'ah. C'est la prière du Jumu'ah, tu la rattrapes pas telle qu'il est, mais tu rattrapes, tu fais d'or. La deuxième position, celui qui ne la prie pas avec l'imam, c'est-à-dire celui qui ne prie pas la célébration du Eid avec l'imam, la rattrape selon sa modalité, telle qu'il doit être accompli, comme nous l'avons décrit. Donc celui qui rate la prière de l'Eid avec l'imam, la prie comme il doit être prié sans rajouter quoi que ce soit, et sans diminuer de la façon et de la modalité de cette prière. C'est-à-dire, la prier dans sa modalité complète, comme il a été rapporté et comme nous l'avons détaillé tout à l'heure. Et si la voix de la plupart des hommes de science, parmi eux le Malikiya, Shafi'iya, le Hanabila, et si le choix de l'imam Bukhari dans l'authentique, ainsi que de Ibn al-Mundir, et si le verdict du conseil permanent de la fatwa et du verdict et le conseil scientifique permanent, sous la présidence de l'imam Ibn Baz rahmatullah alayh, et de l'érudit Abd al-Razzaq Afifi, et de l'érudit Al-Rudayya rahimallahu al-jami'. Si leur verdict aussi, qu'il doit être attrapé, comme il était, comme il s'accomplit derrière l'imam. La preuve de cette position prépondérante, c'est une position prépondérante, dit Cheikh rahmatullah alayh, il dit, la preuve de cette position prépondérante, le hadith de Anas, dans l'authentique du muslim, il a dit, le prophète a dit, celui qui oublie une prière, et celui qui s'est endormi, et ne s'est pas réveillé pas pour l'accomplir, son expiation, c'est de la prier au moment où il s'en rappelle. Et aussi, comme preuve, le hadith, dans les authentiques d'Abu Huraira radiallahu anhu arda, il a dit que le prophète a dit, quand l'iqama de la prière est faite, ne vous précipitez pas, ne courez pas. Venez à la prière en marchant normalement, calmement, avec sérénité. Accomplissez ce que vous attrapez avec l'imam et ce que vous avez manqué, complétez-le. L'argumentation ici des chers, c'est le fait de compléter ce qu'on n'a pas fait avec l'imam ou de rattraper la prière selon sa modalité. Ceci est prouvé parce que le Bukhari rapporte d'une façon irréfutable. Anas ibn Malik a ordonné à son domestique, ibn Abi Uyayna, al-Zawiya, de réunir la famille d'Anas et ses enfants. Vous vous rappelez que Anas a eu beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-enfants. Lui-même, il a dit qu'il a enterré plus de 120 de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc, quand il a envoyé son domestique à réunir la famille, hein, à réunir ses enfants, et Anas a prié, hein, il était leur imam, et il a prié comme la prière de l'Eid accomplie par les gens du pays, avec toutes les tkbirat. Donc, il rattrapait une prière de l'Eid qu'il n'a pas pu faire avec sa famille. Donc, il les a tous réunis, et il a fait la prière de l'Eid comme il s'accomplit avec cette tkbirat complète. Su'atar, l'imam Bukhari le ramène comme mu'allaq. Le mu'allaq, c'est un hadith dans lequel il manque un transmetteur au début de la chaîne ou plus. Mais la chaîne de ce hadith est complétée chez Ibn Abi Shayba dans le Musannaf. Et c'est une chaîne authentique qui remonte directement à Younus ibn Ubayd. Et c'est ce qui est prépondérant, c'est-à-dire le rattrapage de la prière du Eid. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans l'authentique, a donné comme titre un chapitre dans son authentique, « S'il rate l'Eid, il prédor ka'at ». Il en est de même pour les femmes et tous ceux qui se trouvent dans les maisons et en dehors dans les déserts, pour la plupart. Et ceci, pour la parole du messager qui dit, c'est notre Eid à nous les gens de l'islam. Et c'est aussi pour l'ordre de Anas ibn Malik, l'ordre qu'il a donné à son domestique ibn Abi Uyayna, Al-Zawiya, il lui a réuni la famille et les enfants, et il a prié avec eux une prière, comme la prière accomplie par les gens du pays derrière l'imam, avec toutes les tkbirat. Ikrima rahimahullah a dit les gens réunis, c'est-à-dire le groupe de gens qui sont réunis quelque part, prient d'orqa'at pour l'Eid, comme fait l'imam. C'est-à-dire comme l'accomplit l'imam qui accomplit la prière de l'Eid. Et Atta a dit, s'il rate la prière de l'Eid, il prie d'orqa'at. Les savants retenus du chapitre de Bukhari, rahimahullah, la légitimité de rattraper la prière du Eid. Et ceci de par la parole du messager, alayhi salam, qui a dit, ce sont des jours de célébration. C'est-à-dire des jours, les jours de Mina, qui sont des jours de célébration, des jours, hein, de Eid. Et vu qu'il les a appelés jours de célébration, Donc ce sont les jours durant lesquels s'accomplit la prière du Eid, car il a été légiféré pour l'Eid. La prière a été légiférée pour l'Eid. Et il a dit, on prend de cela, que durant ces jours, ils ont accompli la prière. C'est-à-dire que s'ils l'accomplissent durant les jours de Minan, ça veut dire qu'ils ont accompli la prière. C'est pas qu'ils l'ont rattrapé. Et ce qui prouve cela, ce qui est rapporté par Abderzak dans le Moussannaf Rahimahullah, avec une chaîne de transmission authentique, que Qatada Rahimahullah a dit, celui qui rate la célébration de la rupture du jeûne, c'est-à-dire la prière de la rupture du jeûne, prie, compris l'imam. Il ramène la prière comme il doit être faite. Ma'mar ibn Rashid a dit, si quelqu'un rate la khutba et la prière des deux célébrations, qu'il prie d'orqa'at. Et prouve cela, ce qui est rapporté par Ibn Abi Shayba dans le Musannaf, où il a un chapitre, l'homme rate la prière du Eid, combien il doit prier. Ainsi, il est titré à ce chapitre. Et il a rapporté, Ibn Abi Shayba a rapporté avec une chaîne authentique, que Ata, rahimahullah, a dit, il prie d'orqa'at et il ramène les tkbirat. C'est-à-dire toutes les tkbirat. Et dans le Moussannaf aussi, Ibn Abi Shayba, avec une chaîne de transmission authentique, qui remonte à Sharik, rahimahullah, Sharik a dit, j'ai interrogé Aba Ishaq Sbi'i sur l'homme qui arrive le jour du Eid, et l'imam a terminé. C'est-à-dire a terminé la prière, la khutba, que doit-il faire? Et il a dit, rahimahullah, il prie d'orqa'at. Et dans le Moussannaf, Ibn Abi Shayba, avec une chaîne de transmission qui n'est pas mal, Ibn Aoun rapporte que Muhammad ibn Sirin a dit, concernant celui qui rate la prière du Al-Eid, qu'il est préférable qu'il prie comme l'imam a prié, et si il sait ce qu'a lu l'imam dans sa prière, qu'il lise comme a lu l'imam. Regardez ce qu'a dit Ibn Sirin, rahimahullah. Et parmi les preuves aussi, parmi les preuves, ce qui est rapporté par le Firyabi dans Ahkam al-Eid, avec une chaîne authentique, que le Walid a posé la question à l'imam Malik, rahimahullah, concernant quelqu'un qui arrive pour la prière de l'Eid, et que l'imam a terminé la prière et la khutba. L'imam Malik a dit, il prie d'orqa'at, il fait comme a fait son imam pour tkbirat l'Eid. Dans Masail Imam Ahmed, selon la transmission de son fils Abdullah, qui a dit, j'ai posé la question à mon père concernant quelqu'un qui a raté la prière de l'Eid, l'imam Ahmed a répondu, il n'y a pas de mal à ce qu'il réunisse sa famille et ses enfants, et il fait la prière avec eux, mais s'il ne l'a pas raté, non. Ça veut dire, s'il l'a raté, il fait. Mais s'il ne l'a pas raté, c'est-à-dire il veut rester lui à l'accomplir chez lui avec ses enfants. Il a dit dans ces cas-là, non. L'Ijna Daima, le conseil permanent des hommes de science à Riyad, a émis le verdict suivant. Non, celui qui rate la prière du Eid et qui souhaite le rattraper, il est préférable pour lui de l'accomplir selon sa modalité dans la sunna. Sans khutba après. Et c'est ce qu'a dit l'imam Malik, ainsi que Shafi'i, ainsi que l'imam Ahmed, ainsi que Nakhai et d'autres hommes de science. Et la base de cela, la parole du messager alayhi salam, si vous venez à la prière, marchez en étant serein, posé, calme, ce que vous attrapez avec l'imam, accomplissez, et ce que vous avez raté, rattrapez-le. Et aussi, ce qui est rapporté de Anas, ils ont cité le hadith de Anas dans lequel il a ordonné à son domestique de réunir toute la famille et qu'il a été leur imam pour faire la prière de l'Eid avec ses tkbirat, etc. Et si s'arrêtent les paroles de notre noble cheikh Abdallah al-Bukhari, où il dit « Wallahu a'lam ». Et donc, et le 18 mai 2020, le mufti d'Arabie Saoudite, cheikh Abdelaziz ibn Abdullah al-Sheikh, Habidahullah a émis ce verdict. Il dit que si la situation n'a pas changé et qu'on ne peut toujours pas accomplir les prières en commun et la prière du vendredi et la prière de l'Eid. Donc la prière de l'Eid doit s'accomplir dans les maisons sans khutba. Doit s'accomplir dans les maisons sans khutba. La prière, hein, fin de citation, c'est un résumé des paroles de du mufti rahimahullah, hafidhahullah ta'ala. Donc la prière est la proclamation de la grandeur d'Allah à la fin de Ramadan est une grâce. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous donne, hein, la capacité, il nous donne la réussite à accomplir la prière et à proclamer sa grandeur, c'est une grâce de sa part, subhanahu wa ta'ala. Et nous devons constamment remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces. Hein? Parce que ceci les augmente. Il fait partie de la reconnaissance et du remerciement des grâces d'Allah, les grâces qui lui succèdent. Chaque fois que tu le remercies pour une grâce, c'est une grâce aussi elle-même. Le fait de le remercier est une grâce avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé. Et ainsi de suite, les grâces d'Allah se succèdent pour le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance et dans sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Partons de là, fait partie de notre remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour la force et la capacité avec laquelle il nous a comblé pour accomplir le jeûne du mois de Ramadan, c'est que on doit entreprendre juste après le jeûne du séjour du Shawwal pour remercier Allah azza wa jal de nous avoir comblé et de nous avoir facilité, hein, le jeûne du mois de Ramadan. Et parmi les bienfaits du jeûne du séjour du Shawwal, c'est qu'il remédie aux lacunes qu'il peut y avoir dans le jeûne de chacun de nous. Il n'y a aucun doute que de notre part, que de la part de chacun de nous, il y a eu des manquements, des négligences dans notre jeûne. Et le jeûne des 6 jours vient remédier à ces lacunes, hein, et à ces manquements. Et parmi les bienfaits aussi du jeûne des 6 jours de Shawwal, c'est que la hasana est multipliée par 10. 6 jours multipliés par 10 égale 60. Et le jeûne du mois de Ramadan, 30 jours multipliés par 10 égale 300. Donc on arrive à 360. C'est comme si la personne a jeûné une année. S'il fait ça durant toute sa vie, depuis qu'il est pubère, c'est comme il a jeûné toute sa vie, la vie entière. Quelle grâce d'être dans cette situation et quelle miséricorde d'être, hein, dans cette situation. Et si Ramadan est terminé, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le jeûne ne se limite pas au jeûne obligatoire de Ramadan. Certes, le jeûne obligatoire ne s'accomplit que durant le mois de Ramadan, mais restera toujours pour le soumis à Allah les jeûnes surrogatoires durant le mois, que ce soit trois jours dans le mois, ou le jeudi, ou le vendredi, et les nobles saisons comme Ashura, comme Arafat, comme le jeûne du mois d'Al-Muharram et le mois de Sha'ban. Et parmi ces jeûnes surrogatoires vient comme sunna après le jeûne de Ramadan, le jeûne du séjour, le jeûne du séjour du Shawwal. Ramadan, comme la prière, a une sunna qui s'accomplit avant durant le mois de Sha'ban et une sunna qui s'accomplit après, hein, avec les 6 jours de Shawwal. Et il est rapporté dans l'authentique de Muslim, rahimahullah, le hadith d'Abu Dayyub al-Ansari, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Donc dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith d'Ayyub al-Ansari, a dit celui qui jeûne Ramadan et le suit de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute la vie. Hein? Et on jeûne les 6 jours du Shawwal par reconnaissance et pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés, qui nous a donné la force et la capacité de jeûner le mois de Ramadan. Et dans le fait de jeûner les 6 jours du Shawwal, cela, il y a un signe dans cela. C'est un signe parmi les signes de l'acceptation de la et de l'agrément de l'œuvre. Les savants disent que fait partie des signes de l'acceptation des obéissances, c'est de la faire suivre d'une autre obéissance qui lui ressemble. Hein? Et aussi, parmi les signes de l'acceptation des œuvres, c'est que la situation du soumis à Allah après l'obéissance devient mieux que sa situation avant celle-ci. C'est-à-dire, il était négligent avant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est arrivé, il s'est amélioré. Donc, il faut qu'il continue dans sa lancée. Et s'il continue dans sa lancée et que sa situation s'amende, c'est un bon signe. Disent les hommes de science comme quoi ses œuvres ont été acceptées. Et c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la réussite. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, بأسماءه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى في آخر هذا الشهر المبارك أن نكون وإياكم من عتقائه من النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين هذا الوباء. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين هذا الوباء. سلوه سبحانه وتعالى أن نرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. سلوه سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإخواننا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام سالمين غانمين. وسلوه سبحانه وتعالى أن يثبت إخواننا وأخواتنا الذين هاجروا إلى بلاد الإسلام، سلوه سبحانه وتعالى أن يثبتهم على هجرتهم وفي أن يثبتهم في البلاد التي هاجروا إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.